ça tire, j'ai la victoire en ligne de mire. Capitaine de mon navire, la vie m'a préparé un pire. On va te faire passer l'envie de rire, comme quand ta patronne te vire. J'ai débarqué sans prévenir, plus rien ne pourra me retenir. C'est plus la même ambiance, leur carrière plus le gaz, ouais. Moi j'ai ma différence, donc à qui tu compares, ouais. C'est plus la même ambiance, j'ai fait un carnage. Tu sais, et ne voudrais m'éteindre, mais je vois plus la concu quand je dab. Tu sais, et ne voudrais m'éteindre, mais je vois plus la concu quand je dab. De leur beauté, les savent jusqu'à demain. Ça ne sert à rien de leur parler gentiment. Ils ne comprennent que la manière forte. Ils méritent qu'on les mette à l'amende. Vu la façon dont ils se comportent, la chute vertigineuse de leur ventre nous en dit un peu plus sur leur carrière. Depuis ma naissance, les gamins lancés. La musique n'est qu'un de mes terrains des jeux. Si tu me vois dans ton hydro, c'est que j'arrive pour le troisième tour d'avance. Maintenant, ils sont moins arrogants. Passe à mon émergence. Cop, je confirme, cop, je confirme, on a touché la cible. Cop, je confirme, on a touché la cible. C'est plus la même ambiance, leur carrière plus le gaz, ouais. Moi j'ai ma différence, donc à qui tu compares, ouais. C'est plus la même ambiance, j'ai fait un carnage. Tu sais, et ne voudrais m'éteindre, mais je vois plus la concu quand je dab. Tu sais, et ne voudrais m'éteindre, mais je vois plus la concu quand je dab. J'vois plus la concu quand je tape, j'vois plus la concu quand je tape. J'vois plus les haters quand je tape, j'vois plus les haters quand je tape. J'vois plus la concu quand je tape, j'vois plus la concu quand je tape. J'ai pas envie de voir leur visage, donc je tape, tape, tape, tape, tape. Cop, je confirme, cop, je confirme, on a touché la cible. Cop, je confirme, on a touché la cible.